Tu m'as promis. Fest 2012. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Le monde entier réuni dans le cœur de Beckett. Beograde, na ušću dve reka ispodavale. Ces 10 derniers jours, nous avons eu la chance de profiter de la meilleure cinématographie mondiale à Belgrade, où on a accueilli la 40e édition du Festival international du film, FEST. Tout d'abord, un peu d'histoire. Au départ, FEST est fondé en 1971 par Milutin Čolić, journaliste et l'un des plus importants critiques serbes, pour présenter les meilleurs films de la saison. Des années plus tard, il se transforme en l'un des plus importants festivals internationaux du film et devient un grand symbole de la vie culturelle à Belgrade. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée spéciale. Donc, je vous présente Iva Čolić, la petite fille de Milutin Čolić, le fondateur du festival FEST. Bonjour Iva. Bonjour. Dites-moi, comment vous vous sentez aujourd'hui en regardant les fruits du travail de votre grand-père? Ces jours-ci, je me rappelle toujours de lui. Je suis heureuse que les autres profitent aussi des fruits de son travail en regardant les films au cours du festival. Au mois de février, quand FEST commence, tout le monde va au cinéma, même s'ils peuvent acheter des copies piratées. Ah oui, c'est vrai. Et pensez-vous continuer à faire son travail commencé il y a longtemps? Oui, je pense, mais c'est un grand défi parce qu'il était d'abord journaliste et après il a commencé à écrire des critiques du film de théâtre. Même si mon papa est un journaliste, il a évité de continuer ce qu'il a fait. Mais si je réussis à être dans le monde du cinéma, je voudrais continuer avec le même enthousiasme et une plus grande obstination. Même si je sais ce qu'il a réussi à faire est peut-être pour moi inaccessible. Bon courage Iva et merci d'avoir été dans notre émission. Merci. FEST accueille chaque année des films du monde entier qui ont obtenu de nombreux prix et nominations. FEST donne aussi l'opportunité à ses spectateurs de voir des films inconnus qui ne seront malheureusement jamais projetés dans les salles du ciné serbe. Depuis la création du festival, près de 4000 films ont été présentés à 4 millions de spectateurs. Les invités de ce festival sont les grands vedettes du cinéma mondial. Pendant ces 40 années, nous avons eu l'honneur d'accueillir Robert De Niro, Sophia Loren, Johnny Depp, Bernardo Bertolucci, Volker Schlendorf et même Catherine Deneuve. Lors de cette édition, environ 75 films produits au cours de l'année dernière nous ont été présentés. Au programme, des films de production serbe, canadienne, anglaise, américaine, allemande, espagnole, chinoise, russe, belge et française. Les films les plus visités du festival sont sans doute ceux qui ont obtenu plusieurs Oscars, comme par exemple le film américain The Descendants, qui a obtenu l'Oscar du meilleur scénario adapté. My friends think just because we live in Hawaii, we live in paradise. We're all just out here sipping Mai Tais, shaking our hips and catching waves. Are they insane? Ensuite, le film britannique La Dame du Fer, pour lequel Meryl Streep a obtenu son troisième Oscar de la meilleure actrice. And the rest of us, me, children, we can all go to hell. Et finalement, le film français The Artist, qui a obtenu 5 Oscars. Cette comédie dramatique avec Jean Dujardin et Bénérice Bejon dans les rôles principaux a attiré une foule de gens. En ce qui concerne le cinéma francophone à Fest, il y avait beaucoup de films très intéressants à voir. Le film Carnage de Roman Polanski, le film Elle avec Juliette Binoche dans le rôle principal, ensuite Le Havre, Le Gamin au vélo, Le Vendeur, Voir la mer et beaucoup d'autres. Voyons voir maintenant comment le public a accueilli le ciné français au Fest. Nous avons ici les étudiantes de la faculté de philologie à Belgrade, Milica Kotic et Jelena Mladenovic. Bonjour Milica. Bonjour. Dites-nous un peu quel film vous avez vu pendant Fest. J'ai vu le film Voir la mère de Patrice Lecomte. Et dans ce film, les personnages principaux sont deux frères qui partent voir leur mère qui vit au bord de la mer. Un d'eux fait la connaissance d'une très belle fille qui n'a jamais été à la mer. Et elle part avec eux. Et pour ne pas devoir choisir entre les frères, elle se met en couple avec les deux. Et eux, ils tombent amoureux d'elle. Vous savez où ça coince? Ça coince parce qu'on est trois, dont deux frères. Et une fille qui veut pas choisir, parce qu'elle est bien avec les deux, mieux qu'elle a jamais été. C'est très intéressant. Et dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimais bien la réalisation et que tous les sons qu'on entend créent une musique. Mais je n'ai pas aimé le thème. C'était trop libre à mon goût. Tiens, qu'est-ce que vous entendez par libre? J'ai trouvé ça très choquant. Merci Milica. Et vous, Jelena, vous avez vu le même film? Oui, le sujet est très intéressant et je peux dire un peu bizarre pour les pays de Balkans. Mais de l'autre côté, la musique est parfaite. Je l'adore. Il y a des chansons françaises, espagnoles, anglaises et encore italiennes. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, nous allons écouter l'avis de la lectrice de faculté de philologie, Cécile Lefebvre. Bonjour Cécile. Bonjour. Pouvez-vous nous parler d'un film que vous avez vu? Oui. Moi, cette semaine, j'ai été voir Les Descendants, qui est un film avec George Clooney. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui parle en fait d'un drame familial. C'est assez triste, mais ça parle de ce drame de façon un petit peu détournée. Et ça rend les choses très intéressantes. Et ça se passe à Hawaï, donc ça transporte un peu le spectateur dans un univers très paradisiaque, un petit peu différent. Et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Effectivement, c'est un film qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Bon, merci Cécile de nous avoir donné votre avis. Sup, bro? Don't ever do that to me again. Fest 2012.